Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter la deuxième partie de Zélie et les mythes voleuses d'encre, une histoire que j'ai écrite grâce à Lina. Quelqu'un a volé l'encre de tous les manuels de l'école de Zélie. Mais qui ? Eh bien, dans l'épisode précédent, elle a découvert que c'était Bertrand Bouc, le nouveau monsieur de l'ABCD. Avec Timmy, ils se sont infiltrés dans son repère, ont délivré Madame Douce Amère et découvert un livre qui a catastrophé Zélie. Pourquoi donc ? Vous allez le découvrir tout de suite. Les tricoteuses veillent sur les mystères du monde depuis des générations et moi, Madeleine Wool, devais vous raconter leur... Zélie, c'est... Ça, son gros lot. Un roman, oui. Coupé à la première page, en plus. Ce Bertrand Bouc est parfaitement givré. Zélie referme le livre. Timmy ne l'a jamais vu aussi préoccupé. Timmy, tu veux bien m'accompagner ? Évidemment. Où donc ? Au commissariat ? Non, mais vous, allez-y, c'est une bonne idée. Madame Douce Amère la regarde comme une dinde face à un crayon. Peut-être même que vous devriez les appeler. Hein. Le temps du conseil, Zélie remonte déjà les marches de l'escalier 4 à 4. Timmy s'empresse de la rejoindre en lâchant un « Bonne chance, madame !» à sa maîtresse, totalement ahurie. Timmy peine à suivre Zélie qui semble courir le sprint de sa vie. En moins de temps qu'il ne l'aurait cru, les deux amis arrivent devant la maison de mamie. « Zélie, Madeleine Wool, c'est ta mamie ?»« Oui. » »« Mais comment il a pu mettre la main sur un truc qu'elle a écrit ?»« Sans doute à cause de moi. Mon livre d'histoire, je l'ai ramené pour qu'elle l'analyse. » Peut-être qu'il y avait un œuf de mythe. Oh, alors, ça expliquerait pourquoi il n'y avait qu'un bout de texte. C'est un bébé mythe qui a dû l'aspirer. Allons voir si cet affreux Jojo est bien là. Et ta mamie ? Sa voiture n'est pas là. Elle a peut-être rejoint d'autres tricoteuses, à moins qu'elle enquête sur les mythes. Discrètement, les enfants inspectent l'avant de la maison. Rien d'anormal. Mais derrière, ils découvrent un carreau cassé sur la porte d'accès au garage des barres-ateliers. Zélie entr'ouvre la porte et tend l'oreille. Hormis le ronronnement de la chaudière, rien. Ils entrent, en prenant soin d'éviter de marcher sur les morceaux de verre répandus au sol. Puis ils se glissent jusqu'à une autre porte, grande ouverte, donnant sur la cuisine. Personne en vue. Mais un bruit, comme un très très léger bourdonnement. Sur leur garde, les deux amis avancent jusqu'à l'entrée du salon. Timmy manque de lâcher un cri d'étonnement, mais se plaque aussitôt les mains sur la bouche. Qu'est-ce que c'est ? Les mythes ? Et celles-là ont l'air d'avoir fait un festin des livres de mamie. Gorgés d'encre noire, les insectes ressemblent à de mini-ballons, flottant mollement au gré de leurs battements d'ailes paresseux. Faudrait peut-être appeler la police, tu crois pas ? Le temps qu'ils arrivent, Bouc sera parti. Qu'est-ce que tu veux faire ? Capturer une de ces bestioles pour commencer. Mais comment ? Zélie sourit et retourne dans le garage des barres à atelier. Elle en revient avec un filet à papillons poussiéreux. Trop génial comme idée! Les enfants capturent une mythe à la dérive lorsqu'une voix éclate au loin. Bon, je crois bien qu'on en a terminé. Hâte de voir tout ce que ces ouvrages renferment comme connaissances. Un sifflement aigu du genre à faire plisser méchamment les yeux perce les oreilles des enfants. Les mythes à la dérive s'agitent, celle capturée aussi, plus encore même. Mais voyant qu'elle ne peut se libérer, elle abandonne, épuisée. Mais enfin, il manque Josiane. Peut-être qu'elle m'a pas entendu. Nouveau sifflement insupportable. La mythe prisonnière s'affole. Timmy se sent mal de la retenir, mais en même temps, il se dit qu'ils tiennent là une preuve qui pourrait leur permettre de déjouer les plans de Bertrand Bouc. Alors, il ferme les yeux très fort, en espérant que lorsqu'il les rouvrira, ce mauvais moment sera passé. Oh, hors de question qu'on parte sans Josiane, les filles. Hein. Si ça se trouve, c'est elle qui a aspiré le gros lot des gros lots. Des chaussures à talonnettes résonnent dans la maison. Zélie veut s'éclipser, mais en voyant que son amie ne la suit pas, elle s'arrête. Timmy ! Bertrand Bouc se rapproche. Timmy ! Hein, quoi ? L'infâme responsable de la BCD sera là dans 5 pas. Bon, à 3, on le flanque la frousse de sa vie. D'accord. 1, 2, 3. La tête de Bouc apparaît dans l'encadrement de la porte. Bouc ! Ah ! Book enchaîne des petits bonds de terreur les bras levés. Encore plus paniquées que leur maître, les mythes sont pris de hoquets de peur. L'une d'elles finit par lâcher un rot, avant de se transformer en geyser d'encre, entraînant ses congénères dans son sillage. Toutes, sauf Josiane, qui reste amorphe dans son filet. Plus que les murs et les meubles du salon, c'est le responsable de la BCD qui se trouve couvert d'encre. Qu'avez-vous fait, sale mioche ? Book se frotte les bras, les jambes, se frictionne la tête comme un forcené. Mais plutôt que de s'étaler, l'encre se rétracte pour former des mots qui lui glissent sur la peau comme autant de tatouages animés. Je vais vous apprendre à entrer par effraction chez les gens, maudit ! Depuis la porte d'entrée, une pelote verte fuse droit sur Book, qui, d'une pirouette bien trop habile pour un homme comme lui, l'évite. Mamie et les enfants en restent comme deux ronds de flanc. Book, lui aussi, a l'air épaté par sa prouesse. La vieille tricoteuse se ressaisit et lui décoche deux pelotes noires cette fois. En un tour de main, il les envoie sur Zélie et Mamie, qui se retrouvent saucissonnées de fils de laine. Impossible. J'ai absorbé les connaissances. Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Au bord des larmes, Timmy dévisage le responsable de la BCD. Tu devrais être heureux du cadeau que vous m'avez fait. Hein. J'ai pas assez de mots pour vous remercier. Adieu. Book attrape le filet à papillon et s'enfuit avec Josiane. Timmy s'effondre. Bon sang de laine, il maîtrise les bases du combat de tricot. C'est de notre faute. Si on lui avait pas fait peur... Votre salon serait pas peinture lurée d'encre. Et il aurait pas acquis ce pouvoir. On trouvera bien une solution. C'est ce qu'on fait toujours, pas vrai, Zélie ? Ouais. Enfin, avant ça, il va falloir que tu nous libères, mon garçon. Et où est-ce que je peux trouver des ciseaux ? Rien ne peut trancher ces fils. Tu vas devoir utiliser mes aiguilles. Mamie pointe du nez une paire d'aiguilles posées près de son fauteuil à tricot. Mais je sais pas du tout tricoter, moi. Suis mes instructions et tu devrais y arriver. Attentif, Timmy l'écoute, s'active, et en un rien de temps les libère, elle et Zélie. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. On compte sur les doigts d'une main les personnes qui ont compris le détricotage du premier coup. Merci. Zélie donne un petit coup de coude complice à Timmy. Son regard croise une mythe échouée sur le sol, épuisée par son dégonflement, mais vivante, tout comme ses congénères. Peut-être qu'en utilisant ces mythes, on pourrait remettre l'encre en place dans les livres. Il nous faudrait le mode d'emploi. Qui doit se trouver dans son atelier. Et la police est sans doute sur les lieux. Alors on a une chance de mettre la main dessus. Le taco pétaradant de Mamie s'arrête à quelques mètres de chez Timmy. Devant l'ancien repère de Book, la police, en effervescence, bloque la rue. Comment on va faire pour entrer ? J'en fais mon affaire. Mamie appuie sur sa montre. Ses habits se détricotent pour se transformer en uniforme d'agent gouvernemental super secret. Attendez-moi ici. Timmy n'ose pas demander le comment du pourquoi. Un silence s'installe, 5 secondes, avant que Zélie ne le fasse voler en éclats. Timmy, là-bas ! Timmy sursaute. Zélie pointe une affiche. Les arts martiaux, l'expo. Elle ouvre deux mains. Il comprend l'état de son ami en lisant l'accroche en dessous du titre. Des manuscrits ancestraux jamais montrés au public. Oh, punaise, ça veut dire... Que Book va vouloir les voler. Il va se transformer en super guerrier invincible. La porte de la voiture s'ouvre. Moi qui revenais les bras chargés de documents, que vous arrive-t-il ? Les enfants lui racontent tout. Mamie s'amuse. M'est avis que si l'on remplit ces manuscrits de bêtises, Book risque de se sentir tout drôle. Ce sont des manuscrits antiques. On va pas les gribouiller. Non, mais on pourrait les remplacer par défaut. Alors que toute la ville dîne, Mamie, Zélie et Timmy s'approchent en catimini de la grande halle accueillant l'exposition. Doudou, ouvre tout ! Le doudou de Zélie sort de sa poche, se détricote pour prendre la forme d'une clé. Une clé qui ouvre sans peine la porte arrière du bâtiment. Un vrai paradis pour tous les fans de combat s'ouvre au trio. Mais ce n'est ni les tenues, ni les peintures ou les documentaires photos et vidéos qui les intéressent, mais la dizaine de manuscrits renfermant des techniques ancestrales oubliées. En 2 temps 3 mouvements, et avec la plus grande précaution, Mamie aidée des enfants les remplace par des faux plus vrai que nature. Rien de plus facile lorsqu'on fait partie d'une organisation super secrète, experte en mystère. Après avoir caché les faux manuscrits dans une armoire, les trois faussaires prennent place sur la mezzanine qui offre une vue imprenable sur toute la halle. Commence alors une longue, très, très longue attente. Le voilà enfin! Une corde tombe depuis l'une des lucarnes de la toiture, droit sur les manuscrits. Une silhouette descend acrobatiquement. Book! C'est trop bizarre de le voir faire ça! Ouais, mais avec son encre mitée, il peut faire n'importe quoi! Pour peu qu'il ait absorbé le bon livre! Autour de lui, une mythe s'agite, Josiane. D'un claquement de doigts sonore, son maître lui ordonne de débuter son festin. Mais dès le premier manuscrit dévoré, Book l'arrête pour lui faire recracher son encre dans une gourde qu'il s'empresse d'étiqueter et d'accrocher à sa ceinture. 5 petites minutes plus tard, le dernier ouvrage est absorbé. Et alors qu'il s'apprête à l'embouteiller, le trio surgit devant lui. « C'est terminé, Book !» Book ne lève même pas le nez et continue son affaire. Elle est bien bonne, celle-là. Une pelote noire et une autre jaune apparaissent dans les mains de Mamie. Vous n'avez pas compris la leçon? Oh, que si. Je sais même quelle technique vous avez absorbée. Et je peux vous dire que vous êtes loin de toutes les connaître. Ouais, même que les techniques super secrètes sont pas dans les livres. Nous allons voir ce qu'elles valent face à celles que j'ai acquises. Avec un regard triomphant, Book débouche ses gourdes, s'asperge d'encre et se frictionne énergiquement. Comme la première fois, plutôt que de s'étaler, l'encre se rétracte pour former des mots qui se mêlent à ceux qui glissent déjà sur sa peau. Le responsable de la BCD devient blême. Il titube en se prenant la tête. La date d'anniversaire des chats est toujours à la mi-août. Oh là. Et quand deux poissons se disputent, le ton monte. Oh. Vous faites une indigestion de connaissances? Book s'écroule, marmonnant un tas de blagues nulles. Pour être un plombier, il faut avoir les bons tuyaux. Book les implore du regard. Les enfants et Mamie sont pris de remords. Ils y sont peut-être allés un peu trop fort. Mais comment l'aider? Alors que Zélie et Mamie se creusent les méninges, Timmy est pris d'une fulgurance. « Bougez pas! Reviens !» Timmy fonce vers les toilettes. Mamie lève un sourcil, Zélie lui renvoie un haussement d'épaule. Il revient plus tard, en portant avec grande difficulté un grand seau rempli d'eau. Le visage de Mamie s'éclaire. Mais oui, ça pourrait marcher. Laisse-moi t'aider. Ça va être froid, hein, ce Book. Désolé. Book a droit à une douche glacée qui lui arrache un... Les mots se brouillent aussitôt et coulent sur sa peau. Merci. Ne nous remerciez pas trop vite. Book se retrouve aussitôt saucissonné de fil noir. Un instant plus tard, Mamie déclenche l'alarme de la halle avant de s'éclipser avec Zélie et Timmy. La police ne tarde pas à débouler. Book est arrêté. Épuisé par cette longue journée, notre trio rentre se coucher pour profiter d'un repos bien mérité. Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Et si vous avez des envies ou des idées d'histoire, demandez à vos parents de nous envoyer un email ou un message sur Facebook ou Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.